Non, mais de toute façon, j'ai été question que je t'appelle parce que la semaine avant le départ à Pau, le lundi ou le mardi, je pensais t'appeler pour te demander de venir faire un petit tour à l'entraînement, de toute façon. C'est avec grand plaisir. Et moi, j'étais pas là la dernière fois, donc j'aimerais bien être présent aussi lors de cette soirée-là. J'en ai besoin aussi. On va essayer de voir ça rapidement, on en parlera en interne. Et on cale ça pour faire une petite séance ensemble, voilà, pour peaufiner un peu tout ça, pour pouvoir remporter et monter de niveau. Pas de problème. Avec plaisir. Ah, super. Julie Ricard qui dit avec grand plaisir. Bon, en fait, mieux. Je me remettrai avec elle pour l'embêter un petit peu. C'est plaisir à embêter notre capitaine. Oui, mais c'est ça, un cadeau. Et en plus, quand on a un brassard de capitaine, bon. Sur Gisela, ça va y aller. C'est encore un échelon au-dessus, car il faut être, on va dire, presque la meilleure sur le terrain. Mais en plus, il faut savoir un petit peu retrouver du calme et de l'intensité et des fois de l'agressivité quand il faut. C'est bien ça, Julie, hein? Oui, oui, c'est ça. Il faut avoir tout ce panel, quoi. Hein? C'est vrai. Bon, Bruce, bah, écoute, merci de ton intervention dans cette émission. Ben, merci à vous, c'était un grand plaisir et ben, à très bientôt pour les joueuses de Mazan. On se verra bientôt à l'entraînement et le meilleur pour la suite. Merci Bruce. Merci de ton intervention. Voilà, c'était Bruce Caudron qui ira bien sûr, comme vous l'avez entendu, il va aller voir un petit peu ces joueuses de Mazan en handball pour essayer de travailler le fondamental psychologique des choses pour pouvoir les atteindre. Carl, non? Ben c'est ça. Après, c'est souvent les mêmes discours que nous, mais voilà, avec l'expérience qu'il a, avec le palmarès qu'il a, ça vient de l'extérieur. Parfois, elles ont besoin d'entendre les mêmes choses, mais par d'autres personnes, parce que les discours, ils se répètent, et ça fait du bien pour elles de voir d'autres personnes, d'autres gens. Qu'est-ce que tu as? De quoi? Ce que dit le coach? Ben, il a raison, ça fait toujours plaisir d'avoir un avis extérieur. Et Bruce, il a fait une super intervention, c'était... Alors Justine, on va revenir sur toi tout à l'heure, hein. Excuse-moi Carl, car c'est très mal poli à moi d'être intervenu et de t'avoir coupé légèrement la parole, mais ça c'est le gros défaut des animateurs de radio, ça fait partie aussi, vous regarderez si vous êtes du Bordenco sur RMC, vous verrez, ils coupent souvent la parole, et ça l'a mené à RMC, moi je suis à Fly FM, bon. C'est juste ça. C'est juste pour rire. Non, je reviens un petit peu avec toi, Justine. Cette saison, tu as été, d'après ton coach, remarquablement efficace dans les bois. Ben oui, je suis contente de ce que j'ai fait. Et s'il est content, c'est encore mieux. On va y revenir tout à l'heure. Nina Le Forestier, tu regrettes pas ton choix de Mazan? Non, absolument pas. C'est vrai que moi, je suis arrivée l'année dernière. J'ai eu une saison un petit peu compliquée parce que bon, changement de région et changement aussi de type de jeu. Donc j'ai eu pas mal, j'ai eu du mal à m'adapter. Mais cette saison, au vu de l'objectif qu'on a eu, on s'est vraiment tout impliqué dedans. Et je suis satisfaite de la saison qu'on a pu produire. Allez, on va y revenir avec Mazan. Vous savez, tout au long de la soirée, c'était notre fil rouge. On a ouvert un petit peu le palmarès. Juste entre ouvert du grand livre du handball féminin de Mazan, parce qu'après on va dérouler un petit peu le film de la saison par rapport à la saison dernière. Pour l'instant, c'est de Bibip qu'on va parler. Top chrono, athlétisme. Allez, on revient avec Didier Bougon, l'athlétisme. Il y avait bien sûr la lauréate, mais il y avait d'autres, il me semble, compétitions, puisqu'il y avait aussi les épreuves de la Fédération française d'athlétisme, Didier. Donc, c'était surtout au niveau des comités départementaux. Moi, je préfère aller starter pour les jeunes, c'est-à-dire au niveau des benjamins et puis aussi des minimes. Ce sont des jeunes, certains sont encore novices au niveau de l'athlétisme. Les pousses, les benjamins, c'est du 9-11, après on va du 11 à 12-13, donc ils sont là pour apprendre. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau, ça soit des dirigeants, comme des gens comme nous, les starters et d'autres personnes qui sont sur le terrain, c'est leur donner ce petit coup de main et savoir les mettre dans la bonne voie. Donc tout n'est pas facile pour eux, hein, surtout les starting blocks, on ne s'appelle pas, surtout à leur âge, encore Usain Bolt, on est là pour apprendre, donc il y a des messages à faire passer. Et ensuite, bon, bah, c'est la, les épreuves se déroulent du début jusqu'à la fin. Donc hier, j'étais de 10h, ça commençait à 11h, on devait finir à 16h30 et on a fini à 17h30, puisque tu sais que les matières de l'athlétisme, c'est courir, sauter, lancer et marcher. Et puisqu'il y avait de la marche a clôturé. Donc, et en plus, avec un super temps, mais très chaud pour les épreuves de demi-fond qui avaient lieu, surtout en fin d'après-midi. Donc au niveau des résultats, les premiers résultats, je les ai regardés vite fait. Samedi, c'était à Orange au niveau des... Ben, ça se terminait par les masters, mais ça commençait par les cadets. Le Ponté quand même a ramassé quand même le gros lot, hein, où il y a eu au moins 30 podiums. Alors je ne sais pas si côté podium, mais il y en a un maximum au niveau des premières places, deuxième et troisième place. Ensuite, c'est vrai que l'île sur la Sorgue aussi fait du bon boulot. À côté, c'était à Orange, sur la nouvelle piste d'Orange, qui est une piste qui a été, disons, copiée au niveau des USA, puisque c'est une piste bleue. Et je pense que ça doit être la seule que nous avons ici dans le Vaucluse. Ensuite, si on veut trouver ce style de piste, il faut aller à Narbonne. Et entre autres, ça c'est fini. Donc dimanche, au niveau des Benjamins et des Minimes, c'était à Lille-sur-la-Sorgue. Très belle journée aussi à eux. Rappelle-moi, Eric Fagot avait un garçon, un jeune athlète qui risque d'écrire un petit peu l'histoire de Carpentras. Où en est ce jeune athlète? Alors je sais que ce jeune a fait un 1500, je ne sais plus sur quel meeting, en 4-2. 4-2 ça parle, ça veut dire sur chaque 500... C'est à peu près d'une 20 au 500. Il a dû passer sur des bases de 240 au 1000 pour finir en une 22. Oui, c'était à peu près ça. Hein. Je ne sais pas si c'était ce week-end, ça devait être un autre week-end, mais c'est un jeune cadet 2. Alors, l'avenir est devant lui. Maintenant, bon, pour Eric, c'est un gros boulot qui a été fait déjà en amont. Et je vais dire encore le gamin, de beaux jours devant lui. Et ensuite, le gros du boulot aboutira, je pense, quand il sera en espoir. Hein. Mais il était à bonne école, puisque Eric était un international sur 800, et c'est un mieux pour lui et aussi pour l'athlète. Allez, on va suivre ce jeune athlète de Carpentras qui promet, revenons un petit peu aux courses hors stade. Il y avait la lauréate du côté de Al-Wassini qui a encore gagné. Alors, c'est à peu près les mêmes, les deux. Hein. Il y avait deux distances, une sur 5 km et une sur 11 km. Sur 11 km, c'est Théobald Julien de Carpentras qui s'impose en 18-04 devant Pindivic Johan en 18-18 et Tortel Nicolas. Et Christophe Camps, qui est organisateur et qui fait partie, qui fait partie de l'organisation, a quand même couru, qui est sa master, on n'est plus vétéran, qui a couru et qui fait quatrième sur cette petite distance de 5 km. Sur le 11 km, oui, c'est Brahim El-Hossini qui s'impose en 41-41 et ça se gagne au sprint puisque Yann Dupitier, qui fait partie du même team, se fait battre d'une seconde 41-42. Ensuite, il y a Walzizis, qui est le cousin du premier qu'on va faire sur les courses, qui fait troisième. Ensuite, Gilles Vigne de la S Cavaillon qui fait 44 minutes, Nicolas Bressy. Et ensuite, je tire un grand coup de chapeau également à une athlète qui est de Carpentras, Émilie Migieux. Qui a déjà un certain âge, qui n'est pas encore en master, mais qui est entraîné par Eric Fagot. Très belle course pour elle, puisque au niveau, disons, de la course par elle-même, au Cratch, elle fait 15e. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le premier de ce 11 km avait couru la veille le Samina. Bon. Il gagne le lendemain le 11 km, mais je pense pas qu'il y avait... Mais ils sont aguerris, je crois qu'on les voit de partout. On les voit de partout. Hein. C'est pourquoi ils sont dans un team, et ce team, c'est un magasin de sport qui est dans le Vaucluse, donc ça s'appelle la renommée de ce club. Mais je pense pas que le chrono du Samy, là. Mais ça n'a pas dû être un chrono extraordinaire, puisque maintenant, on voit très peu de Vauclusiens en moins de 15 minutes. Il y a le seul qui aurait pu faire quelque chose sur 5000, c'est Mohamed Serghini qui est du CSMA, mais je pense qu'il va plutôt chercher des chronos sur des meetings hors du Vaucluse. Ça pue, mon cher. Tu sais comment ça se passe à Fly FM. Chaque fois, le frigo est vide et Monique est là pour le remplir.